L'aide-de-camp fait manger tout le monde et met les domestiques de garde. Monsieur Huzet va déjeuner avec l'aide-de-camp et mon maître part pour prévenir ces gros messieurs que ses chevaux étaient prêts. À 2 heures précises, tous les gros ventres descendent de voiture et vont visiter les chevaux, les font sortir appareillés par 4. « Voilà de beaux chevaux, dit le président. Vous pouvez renouveler vos équipages. Et celui dont vous m'avez parlé, faites-le sortir. » Je le présente à l'aide-de-camp qui monte ce fier animal, qui le manœuvre et le présente. On dit « C'est un bon cheval, faites-le rentrer. » L'aide-de-camp se retire avec M. Potier et M. Huzet pour nous faire dîner. Et il arrive un homme par 4 chevaux pour les panser. Ces messieurs réformèrent 20 chevaux de leurs écuries, que mon maître prit au prix de l'estimation par des marchands de chevaux. Après cette brillante affaire, on me renvoie avec les beaux chevaux de carrosse de ces messieurs. Messieurs Potier et Huzet restèrent 8 jours à Paris pour régler leurs comptes. Ils furent invités chez le gros pair de France qui avait été reçu à Coulommiers. Pour mettre d'accord ces messieurs sur le choix des attelages des chevaux neufs, il fut décidé qu'ils seraient tirés au sort par 4 et que chacun donnerait son pourboire pour les domestiques. Ces messieurs furent si contents de la loyauté de mon maître que le président en fit part au ministre de la guerre. Celui-ci fit appeler M. Potier pour lui proposer une commande de 200 chevaux pour le train d'artillerie. « Voilà le prix et les tailles. À quelle époque pouvez-vous les fournir ?»« Monsieur, je peux les livrer dans 2 mois. »« Je vous fais observer que l'on est sévère pour les recevoir. Les chevaux qui ne sont pas reçus sont pour votre compte. C'est juste, vous m'en donnerez avis. » Ils seront reçus à l'école militaire, vous savez l'âge, 4 à 5 ans, et point de chevaux entiers. Pouvez-vous faire les avances ? Oui, monsieur. D'où les tirez-vous ? De Normandie et du Bas-Rhin. Ah, c'est cela. C'est de bonne race. Monsieur Potier arrive à Coulommiers enchanté, et trouve ses 20 chevaux dans le meilleur état possible. Ils ne sont pas reconnaissables. Il faut les mener à la foire de Nangis. Nous pourrons les vendre. Ils sont pour rien, on peut gagner moitié dessus. « Tenez-les prêts pour demain, et en route à 6 heures, ça presse, il faut partir pour la Normandie. J'ai un marché de passer avec le ministre de la guerre. » La foire de Nangis était si bonne que les chevaux furent vendus. Monsieur Potier dit « J'ai doublé mon prix. » 4 jours après, il partit pour Caen, en Normandie, où il trouva une partie de son emplette. Il les envoie à la maison, et nous partons pour Colmar, où il fit de bonnes affaires qu'il finit à Strasbourg complètement. M. Huzet fut chargé de ramener tous les chevaux. Mon maître part pour Paris et rend compte au ministre que dans 15 jours, ses chevaux seraient arrivés. « Eh bien, dit le ministre, faites-les diriger sur Paris. Vous épargnerez de grands frais. Donnez de suite vos ordres pour qu'ils arrivent. Vous avez mis beaucoup d'exactitude. Vous me donnerez avis. Ne perdez pas de temps. » M. Potier prend la diligence, fait diriger les 200 chevaux sur Paris, en écrivant à son épouse de me faire partir pour Saint-Denis avec une voiture de son, ses chevaux devant rester 4 jours pour se rafraîchir. J'eus le bonheur d'arriver à Saint-Denis le premier, et tout fut prêt. Les 4 jours furent suffisants pour refaire tous les chevaux et arriver à l'école militaire, comme si nos chevaux sortaient d'une boîte, tant ils étaient frais. La voiture de son fut bien payée. Tous les chevaux furent reçus. Devant les officiers d'artillerie, des inspecteurs, un général, on fut 4 heures à faire trotter, mais le pourboire fut nul pour moi. Je fus bien désappointé de ce contretemps. Monsieur me dit, vous ne perdrez rien, je vous ferai cadeau d'une montre. Aussi, il m'en donna une belle, et 200 francs pour les chevaux des représentants, et 2 louis pour le beau cheval. Quel bonheur pour moi! En arrivant, je donne tout mon argent à madame, et le dimanche suivant, elle me fit cadeau de 6 cravates. Monsieur dit, mes 2 voyages me valent 30 000 francs. Il avait de plus placé 500 sacs de farine. Nous reprîmes nos travaux habituels. Je devins fort et intelligent. Je montais les chevaux les plus fougueux. Je les rendais dociles. Je repris aussi la charrue. Je fis présent à mon maître laboureur d'une blouse bien brodée au collet. Il était content. À 16 ans, je portais un sac comme un homme. À 18 ans, je portais le sac de 325. Je ne rebutais à rien. Mais l'état de domestique commençait à devenir pour moi un fardeau pesant. Ma tête se portait vers l'état militaire. Je voyais souvent de beaux militaires avec de grands sabres et de beaux plumets. Ma petite tête travaillait toute la nuit. Enfin, je finis par me le reprocher, moi qui étais si heureux. Ces militaires m'avaient tourné la tête. Je les maudissais. l'amour du travail avait repris ses droits, et je n'y pensais plus. Les fermiers arrivaient de toutes parts pour livrer les blés vendus à M. Potier. Chaque fermier avait un échantillon de son blé à la maison. J'en disais mon maître, allez chercher 10 sacs. Que de sacs de 1000 francs sortaient de son cabinet. Cela dura jusqu'à Noël. Je finis une grosse pile de 100 sacs dans 2 mois. Puis monsieur dit à son épouse, « Fais tes invitations pour aujourd'hui en 8, je pars pour Paris. Je prends le cabriolet. Nous irons voir nos enfants et Jean emportera des sacs vides car il m'est dû beaucoup. Nous serons de retour samedi. À dimanche ton grand repas. Il faut m'apporter de la marée, dit madame, et ce que tu voudras pour me faire 2 plats et des huîtres. Ça suffit, madame. » Les recettes se trouvaient toutes faites le jeudi et employées à des placements considérables. « C'est, dit mon maître, que vous me portez bonheur. Voilà un voyage complet. Faisons nos emplettes, nous partirons demain matin. » Nous arrivons à 5 heures. Quelle joie pour madame de nous voir arriver de bonne heure. Le lendemain, à 5 heures, cabriolet et carriole arrivaient de tous les côtés. Je ne savais auquel entendre. Jean allait à la ville chercher monsieur et madame Brodard et sa demoiselle. Jean repartait de suite chercher mon gendre et ma fille. Et je faisais ronfler la voiture, toujours au galop. « Jean, il faut servir à table. » Et le pauvre Jean se multipliait. La soirée fut magnifique, et ma part de friandise fut mise de côté par madame. À 11 heures, on me dit de me tenir prêt pour reconduire tout le monde. À minuit, je recommence. Je fis 3 voyages qui me valurent 18 francs. Mon maître et madame me firent appeler pour me rafraîchir. « Prenez un bon verre de vin de votre pays et un morceau de brioche. Nous sommes contents de vous. »« Ah, j'ai mis sa petite part de côté, » dit madame. Le lendemain, je reçus mes petites provisions que je partage avec mes camarades, et je repris le boisseau avec le garde-moulin pour en sacher de la farine pour Paris pendant 8 jours. Enfin, j'étais de tous les métiers. Madame me prit de donner tous mes soins à son jardin. Je lui fis d'abord un joli berceau au fond, en face de la porte, et je tirai au cordeau 2 belles plates-bandes. Je creusai l'allée de 4 pouces pour relever mes 2 plates-bandes, et je remplaçai la terre enlevée avec du sable. Mon maître et madame viennent me voir. « Eh bien, Jean, dit monsieur, vous nous allez donc faire une route dans notre jardin. »« Non, monsieur, mais une belle allée. Vous ne pouvez pas faire cela tout seul. Je vais faire venir le jardinier. Monsieur, le plus difficile est fait. Comment l'entendez-vous? Voyez mes 3 lignes faites, mes piquets plantés. Voilà le milieu de mon allée. Vous avez donc pris tous les cordeaux de mes charretiers? Je ne pouvais pas tirer ma ligne sans cela. C'est juste. Mon dernier piquet vers le berceau, c'est pour faire une corbeille pour madame. Ah, c'est bien pensé, Jean. Vous avez une bonne idée de me faire une jolie corbeille. Il me faut du buis pour faire une belle allée, et beaucoup de sable, et des planches pour faire des bancs dans le berceau de madame. Et pour votre maître, que faites-vous? Le maître reste à côté de madame. À la bonne heure. Mais Jean, où prendrez-vous le sable? Monsieur, je l'ai trouvé. Et où? Sous le petit pont près de l'abreuvoir. Je l'ai visité tout à l'heure. J'en ai trouvé 3 pieds de hauteur. Il faudra le faire tirer. Non, monsieur, on le chargera sous le pont cet été. Vous savez que toute la fausse rivière est à sec. Et nous sortirons par l'abreuvoir. C'est cela. Il nous en faut bien 20 tombereaux. Vous savez que l'allée est à 8 pieds de large. Ma femme, dit mon maître, fais venir ton jardinier, car Jean va nous faire une route dans notre jardin. Je prie madame de faire venir du buis et des rosiers pour planter le long de l'allée. Le jardinier arrive le soir, et madame le mène de suite au jardin, disant « Jean, venez faire voir votre ouvrage. » Le jardinier fut surpris. « Eh bien, dit-elle, que dites-vous de la folie de Jean? Mais madame, c'est superbe pour le tracé. Vous pouvez vous promener 4 de front, et comme vous avez des enfants, ils ne gâteront pas votre jardin. »« C'est vrai, dit-elle. Eh bien, il faut venir demain, car il se tuerait. Il a mis cela dans sa tête pour me faire plaisir. Madame, il a du goût. Il s'y est bien pris. » Nous vous ferons un beau jardin. Il nous faut 40 rosiers à haute tige et du bois pour l'allée de la corbeille. Il faut 15 jours pour mettre votre jardin en état. Le sable est à votre portée. Surtout ne laissez pas Jean tout seul. Il se dépêche trop, il tomberait malade. Je le connais, je le ménagerai. Et vous ferez bien, je l'ai trouvé avec sa chemise toute trempée. Madame part, le jardinier me dit. Je vous sais bon gré du commencement de votre travail. Nous lui ferons une petite surprise devant son berceau. Nous ferons 4 pans coupés et nous mettrons 4 lilas de Perse et du chèvrefeuille autour. Et nous peindrons les bancs en vert. Ça sera joli. Il faut prier madame de ne pas venir de 8 jours voir son jardin. Je lui dis le soir. « Madame, le jardinier m'a prié de vous dire de ne pas venir voir votre jardin de 8 jours. »« Eh bien, dit Monsieur Potier, je vais aller à Paris placer de la farine et voir nos enfants. »« Ah, c'est bien aimable de ta part. »« Je serai de retour samedi, et je verrai la folie de Jean et du jardinier après avoir vu si mon gros représentant est content de ses chevaux. » Il revient satisfait de la réception du représentant qui lui a dit « Je compte vous voir au printemps avec mon épouse. Je lui ai parlé de votre dame. » Et elle désire la connaître. Je vous prie de m'en donner avis. C'est juste, il ne faut pas surprendre madame, qui fait si bien les honneurs de chez elle. Monsieur et madame viennent nous retrouver et sont surpris de voir la grande allée terminée. Ah, c'est joli, je suis content. C'est bien travaillé. Tu pourras te promener et t'asseoir, voilà de beaux bancs. Jean, va nous ruiner avec ses folies. Ne te dérange pas de 8 jours pour qu'il finisse mon jardin, je t'en prie. Je voudrais que ça soit sablé. Eh bien, je vais surprendre Jean. Nous allons faire détourner l'eau qui passe sous le petit pont, et il pourra prendre du sable à son aise. Il ne sera pas toujours le plus fin. Il va rire, dit madame. Les 8 jours suffirent pour finir tout le jardin, et je vins annoncer. Monsieur et madame, votre jardin est fini. Vous pouvez venir le voir. Ah, si j'avais du sable, ça serait joli. Eh bien, Jean, vous en aurez demain. Mon mari a mis le sable à sec et a fait passer l'eau de l'autre côté du pont. Et demain, vous aurez 2 tombereaux et des hommes pour charger. Vous n'aurez qu'à le rentrer. « Ah, madame, nous sommes sauvés. Dans 4 jours, tout sera fini. » Monsieur et madame nous regardaient de leur croisée, sans venir nous voir. Le jardinier va leur dire « Tout est terminé. Voyons cela, ma femme. » Me voilà le râteau sur l'épaule, à côté de la porte, le chapeau à la main. Monsieur Potier me prit par le bras et me frappa sur l'épaule. « Jean, me dit-il, vous rendez votre maîtresse heureuse et moi content. C'est plus joli que l'herbe qui était dans le jardin. »« C'est charmant, dit madame. » Si ton monde de Paris vient te voir, tu pourras les promener à présent. Vous ne verrez plus d'herbe poussée dans vos allées. Je me remis au moulin, à la charrue, et à tout faire, surtout à dresser des chevaux. Monsieur reçoit une lettre de Paris pour se rendre de suite au Luxembourg, chez son représentant. Pour affaire. Jean, mon garçon, il faut partir demain matin pour Paris. Je crois que c'est des chevaux que l'on demande. Si cela est, ils payeront votre folie de jardin. Nous partîmes à 5 heures. À 11 heures, nous étions à Paris. Mon maître se présente à l'adresse indiquée. Le chef du directoire lui dit « Il nous faut 20 chevaux de première taille, tout noirs, sans aucune tache. Les prix sont de 45 louis. »« Où les prenez-vous ?»« Monseigneur, dans le pays de Caux et à la foire de Beaucaire. C'est là que je trouverai ces tailles-là. »« Cela suffit, partez de suite. À quelle époque livrez-vous »« Il me faut 3 mois, et je ne réponds pas d'être prêt à cette époque. » Ces tailles sont difficiles à trouver. Le voilà de retour à Coulommiers. Allons, dit-il, partons pour la Normandie, et nous reviendrons par la foire de Beaucaire. Je vais faire venir François de suite, lui donner mes ordres et faire part de notre voyage à ma femme. Nous arrivons à Caen. On nous indique quelques chevaux. Dans tous les environs, nous trouvons 4 chevaux. On en voulait 50 louis. Eh bien, vous les mènerez à la foire. Nous verrons cela. Nous visitons tout le pays de Caux. Nous trouvons des fermes magnifiques et de beaux élèves. Nous pûmes en choisir 4 très beaux. La foire de Caen fut bonne pour nous. Mon maître en acheta 6 superbes. Il nous en fallait encore 10. Quant au peuple du pays de Caux, il est magnifique, les femmes surtout, avec leurs coiffures belles, hautes et larges. Les petites femmes paraissent grandes, car leur bonnet a bien un pied de haut. Ça leur fait paraître la figure petite. Le monde et les bestiaux, tout est magnifique. Nous partîmes pour Beaucaire, où nous trouvâmes nos 10 chevaux. Je n'ai jamais vu de si belle foire. Tous les étrangers de toutes les puissances s'y trouvent. On dirait une ville bâtie dans une plaine, des cafés, des traiteurs, tout ce que l'on peut voir de plus beau. Il se fait des affaires pour des millions. La foire dure 6 semaines. Les affaires de mon maître terminées, nous partîmes après avoir réuni nos chevaux et les avoir dirigés sur Coulommiers. Ce voyage fut long. Nous fûmes 2 mois dehors de la maison. Quelle joie pour madame de nous voir arriver. Mon maître me dit « Il faut que je fasse une dépense pour nos chevaux. Je vais leur faire faire de belles couvertures et des oreillères. Ça les parera. Je veux qu'elles soient à raie. Allons chez Monsieur Brodard de suite. C'est une dépense nécessaire pour les présenter. » Tout fut terminé dans 8 jours. J'étais fier de voir mes beaux chevaux parés de si belles couvertures. Aussitôt, Monsieur Potier part pour Paris, va rendre compte de son emplette à son représentant, annonce que les 20 chevaux étaient chez lui et que si Monseigneur voulait les voir, il venait le prévenir. « Sont-ils beaux ? » dit-il. Dimanche, nous serons chez vous à 2 heures. Un de mes amis et son épouse et la mienne. Nous serons 4. Prévenez Madame Potier que je lui mène 2 dames. » Leur belle chaise de poste arrive à 2 heures devant la maison. Monsieur et Madame les reçoivent et les mènent de suite au salon où se trouvait une collation superbe. Ces dames furent satisfaites du bon accueil de Madame. Monsieur Potier avait invité les amis du représentant. Le dîner fut superbe. Madame invita à faire un tour de jardin qui fit plaisir à ces dames. Et les messieurs visitèrent les beaux chevaux. Les couvertures firent merveille. Ils sont très beaux, vos chevaux. Nos gardes vont être bien montés. Les tailles sont superbes. Je vous fais mon compliment. Je vais écrire de suite au président du directoire. Ils seront reçus au Luxembourg. Vous pouvez les faire partir dans les 24 heures. 2 jours de repos suffiront pour les présenter. Nos messieurs seront satisfaits de les voir. Laissez-leur les couvertures. Ils sont bien couverts comme cela. On vous paiera vos couvertures à part. Combien vous coûte-t-elle ? 400 francs. Bien, tout cela vous sera remboursé. Faites-les sortir que nous les voyons dehors. Ils surpassent les chevaux de nos grenadiers. Ça montera nos sous-officiers. Ce sont de belles bêtes. Faites-les partir demain. Il vous faut 3 jours et 2 jours de repos. Je serai à Paris pour les présenter à ces messieurs. Nous arrivâmes au Luxembourg le 4e jour. Tout était prêt pour nous recevoir. Les beaux sous-officiers et grenadiers nous entourent, prennent nos chevaux et les placent, on peut dire, dans un palais. Je n'avais jamais vu de si belles écuries. M. Potier nous fit ôter les couvertures pour les panser et les grenadiers s'en chargèrent. « Vous pouvez les laisser à nos soins, » dit un officier. « Cela nous regarde. Vous leur mettrez les couvertures après le pansement. » Le lendemain, M. Potier reçut l'ordre de présenter ses chevaux à 1 heure dans l'allée des beaux marronniers du jardin. À 2 heures arrivent 20 de messieurs qui admirent nos chevaux et les font trotter. Un officier vient près de moi et me dit « Jeune homme, on dit que vous savez monter à cheval. »« Un peu, monsieur. »« Eh bien, voyons cela, montez le premier venu. »« Ça suffit. » Il me mène près d'un maréchal des logis et lui dit « Donnez votre cheval à ce jeune garçon pour qu'il le monte. »« Merci, lui dis-je. » Comme j'étais content. Me voilà parti au pas. Mon maître me dit « Au trot. » Et je reviens de même. Repartez au galop. Je fendais le vent. Je présentai mon cheval devant tous ces gros messieurs et les 4 pieds sur la même ligne. Qu'il est beau ce cheval, dit-on. Ils sont tout de même messieurs, dit M. Potier. Si vous voulez, mon jeune garçon vous les montera tous. Ils se consultent tous ensemble et s'arrêtent devant un cheval qui avait eu peur. Ils me firent appeler. Jeune homme, dit le représentant, qui me connaissait de Coulommiers, faites voir ce cheval à ces messieurs, montez-le. Je le fais trotter sur tous les sens et au galop encore une fois. Je reviens le présenter. On dit « C'est bien monté, il est hardi votre jeune homme. » Monsieur Potier leur dit « C'est lui qui a dressé le beau cheval de Monseigneur le Président. Personne ne pouvait le monter. Il a fallu le mener en plaine et il l'a rendu docile comme un mouton. » Le Président dit à un officier « Donnez un louis à ce jeune homme pour le cheval qu'il m'a dressé et 100 francs pour ceci. Il faut l'encourager. » L'officier dit au garde « Vous voyez ce garçon comme il manœuvre un cheval ?» Je fus bien récompensé par tout le monde. Les militaires me pressaient les mains en disant « C'est un plaisir de vous voir à cheval. Ah, je les fais obéir, je corrige les mutins et flatte les dociles. Il faut qu'ils plient sous moi. » Enfin, M. Potier livre ses 20 chevaux qui furent tous acceptés, avec les couvertures, sur un mémoire à part, et tous les frais de voyage à leur compte. « Sans cela, leur dit M. Potier, je serai en perte. » On lui répond « Vous êtes connu, les remontes que vous avez fournies ne laissent rien à désirer. Je vous remercie, dit M. Potier. Vous ferez 3 mémoires, on vous fera 3 mandats, que vous toucherez au trésor. Ils seront signés par le trésorier du gouvernement et seront payés à vue. Maintenant, je vous nomme pour recevoir 600 chevaux qui arrivent d'Allemagne, taille de chasseurs et hussards. Cela vous convient-il ? Il vous faut de 8 à 10 jours pour les recevoir. Vos appointements seront de 3 francs par cheval, y compris votre garçon, qui les montera tous. Et surtout, soyez sévères avec les Allemands. Vous recevrez des ordres aussitôt l'arrivée. Vous pouvez compter sur moi. Les officiers seront là pour recevoir leurs chevaux. Monsieur Potier finit ses affaires et nous partîmes pour Coulommiers, où monsieur fut bien fêté à son arrivée de ce voyage de 3 mois. Toutes les affaires de la maison étaient comme monsieur le désirait. « Eh bien, mon ami, es-tu content de ton voyage ?» dit Madame Potier. « Je suis enchanté de ces messieurs, tout s'est passé pour le mieux du monde. Jean s'est surpassé d'adresse, il s'est fait remarquer de tout le monde. De plus, il est invité à venir avec moi pour recevoir 600 chevaux de remonte pour la cavalerie, et c'est lui qui est nommé pour les monter. Tous ces messieurs l'ont compris dans les émoluments qui me sont alloués. Tu peux lui faire ton cadeau, il le mérite. Il a soufflé le pion au grenadier du directoire pour m'allier un cheval. Madame me mène le dimanche à la ville et me fait cadeau d'un habillement complet. Vous enverrez tout cela à mon mari avec la facture acquittée. Combien je fus flatté de ce procédé. Monsieur Potier me présente le paquet. Voilà le cadeau que vous avez mérité. Il faut lui faire faire son habillement de suite. Demain, nous reprendrons nos travaux au moulin. Il nous faut 200 sacs de farine pour Paris. Toute la semaine fut employée au moulin. Le dimanche, nous passâmes nos chevaux en revue. Monsieur et madame furent dîner en ville, et moi de régaler tous les domestiques de nos voyages, racontant tout ce que j'avais vu à Paris. Le soir, je fus chercher mes maîtres sans leur permission. Ils furent contents de cette attention, et je les ramenai à minuit. Le lendemain, je reçus mes habillements. Tout était complet. Allons, Jean, il faut voir si tout cela va bien. Ils me mènent dans leur chambre et président à ma toilette, disant « On ne vous reconnaîtra plus. »« Tenez, ajoute madame, voilà des cravates et des mouchoirs de poche. Je vous ai acheté une malle pour mettre toutes vos affaires. Monsieur et madame, je suis confus de toutes vos bontés. Le dimanche, je m'habille et parais devant tout le monde de la maison comme si je sortais d'une boîte. Tous mes camarades de me toiser de la tête aux pieds et tout le monde de me faire des compliments. Je les remerciais par une poignée de main et je fus rempli d'attention pour tous. Les années se passaient dans une servitude douce, quoique pénible, car je multipliais, je veillais à tous les intérêts de la maison. Des souvenirs s'étaient glissés dans ma tête. Je pensais à mes frères, à ma sœur, et surtout aux deux disparus de la maison, à un âge si tendre. Je n'étais pas maître de retenir des larmes sur le sort de ces deux pauvres innocents. Je me disais, que sont-ils devenus? Les a-t-elle détruits, cette mauvaise femme? Cette idée me poursuivait partout. Je voulais aller m'en assurer, et je n'osais en demander la permission, par crainte de perdre ma place. Ma présence était nécessaire à la maison. Il fallut patienter et me résigner à attendre tout du sort. Les années se passaient sans ne pouvoir rien apprendre de leurs nouvelles. Ma gaieté s'en ressentait. Je n'avais personne à qui je pouvais compter mes peines. Je me fortifiais dans l'agriculture, où je devins très fort, et je fus reconnu tel, à 21 ans, je pouvais me passer de maître pour mener la charrue et conduire un chariot à 8 chevaux. Les ordres arrivèrent de Paris, et il fallut partir de suite pour nous rendre à l'école militaire, où nous trouvâmes un général et les officiers de hussards et de chasseurs. Mon maître fut reçu par le général pour passer les chevaux en revue. On lui remet sa nomination d'inspecteur de la remonte. Le lendemain, les chevaux étaient amenés dans le Champ de Mars, au nombre de 50 chevaux. J'avais acheté une culotte de peau de daim et une ceinture large pour me soutenir les reins. Cela me coûtait 30 francs. Mon maître se promenait avec le général qui me fit appeler. « C'est vous, me dit-il, qui êtes désigné pour monter ces chevaux? Nous allons voir cela. Je suis difficile. »« Soyez tranquille, général, lui dit M. Potier. Il connaît son affaire. »« Eh bien, à cheval. Les chevaux de chasseur les premiers. Laissez-le faire, vous serez content de lui. Il est timide. Eh bien, laissons-le. Commençons par la droite et ainsi de suite. » Je monte le premier. Personne n'eut le temps de me voir monter. Ce cheval veut faire quelques écarts. Je lui allonge 2 coups de cravache sous le poitrail et lui fais faire une pirouette sous lui et le rend docile. Je le mène au trot. Je reviens au galop. Je recommence au pas. C'est la marche essentielle pour la cavalerie. Je mets pied à terre. Je dis à l'officier « Marquez ce cheval numéro 1. Il est bon. » Je dis au vétérinaire « Voyez la bouche de tous les chevaux et surtout les dents. Je les visiterai après. » Je continue, je fais 3 lots, il est fait marquer par le capitaine de chasseurs. Arrivé au 30e, je demande un verre de vin que le général me fait apporter, disant « Je vous laisse faire, jeune homme. Dites-moi pourquoi ces 3 lots. Le premier pour vos officiers, le deuxième pour vos chasseurs, et le troisième réformé. Comment réformé? Eh bien, général, je vais me faire comprendre. Les 4 chevaux du 3e lot sont des chevaux refaits, qui ne peuvent être acceptés sans une visite des experts. Voilà la sévérité que j'y mets. Cela vous regarde. Maintenant, faut-il que je continue de faire mon devoir? Oui, je vous approuve, sévère et juste. Je continuai toute la journée. J'avais monté 50 chevaux. 6 du premier lot et 4 du second étaient mauvais. Il en restait 40 pour les chasseurs. Lorsque les officiers connurent mon opération, ils me prirent la main. Vous savez faire votre devoir. Nous ne serons pas trompés. Vous avez, dis-je, 6 chevaux parfaits. Ils peuvent monter des officiers. Le général me fit venir près de lui. Il était près de M. Potier avec son aide de camp. « Vous avez bien opéré. Je vous ai suivi de l'œil. Je suis content de vous. Continuez. Vous devez être fatigué. Demain, nous prendrons les chevaux de Hussard. Vous opérerez de même. À 11 heures. »« Ça suffit, général. Savez-vous écrire ?»« Non, général. J'en suis fâché. Je vous aurais pris avec moi. » « Je vous remercie, je ne quitte pas mon maître, c'est lui qui m'a élevé. Vous êtes un fidèle garçon. » Il fit appeler les officiers et leur dit, « Vous allez vous emparer de ce jeune homme. Faites-le dîner avec vous, il travaille dans vos intérêts. Que les fournisseurs ne lui parlent pas, vous le ramènerez chez moi à 9 heures. Monsieur l'inspecteur, viens dîner avec moi. » Je fus fêté de tous les officiers, le dîner fut très gai. À 9 heures, nous arrivâmes chez le général et le café fut servi. Je reçus l'accueil le plus aimable de la part du général. Demain, nous visiterons les chevaux que vous devez monter, et je vous ferai seconder par un maréchal des logis qui monte bien. Cela vous avancera. Je lui ferai monter les juments. Pourquoi cela? Général, la jument est meilleure que le cheval hongre. Elle résiste mieux à la fatigue. Je l'examinerai avant de faire monter. Ah, pour le coup, je suis content de votre observation. Je l'approuve. Si votre militaire est content de sa jument, il la mettra au premier lot, et ainsi de suite. « Moi de même. »« Eh bien, messieurs, que dites-vous de cela ? Nous sommes bien tombés. On ne nous donnera plus de ces mauvais chevaux qui ne durent pas 6 mois. Je puis me tromper, mais je ferai de mon mieux. Allons, messieurs, à demain, 11 heures précises. » Nous prîmes congé du général. Mon maître me mit en voiture pour gagner notre hôtel. « Jean, le général est content de vous. Il est enchanté. Tâchons de faire une bonne journée demain. Il faudrait pouvoir recevoir 100 chevaux. Comme vous serez deux, ça nous avancerait beaucoup. » Je ferai mon possible. Le lendemain, à 10 heures, nous reçûmes la visite du capitaine de Hussards. Mon maître lui dit, « Faites-moi l'amitié d'accepter une côtelette et une tasse de café. Nous partons de suite. Le fiacre est prêt. Dépêchons-nous, le général ne plaisante pas. » À 10 heures et demie, nous étions près du champ de Mars à voir les chevaux. Mon maître dit, « Préparez encore 50 chevaux. » À 11 heures, le général arrive. Nous passons les chevaux en revue et nous montâmes à cheval 2 à la fois. Ces chevaux étaient charmants. Je fus content. Je le dis au général qui fut content aussi. Il n'en fut réformé que 2 sur 100. Ces pauvres marchands de chevaux n'étaient plus si chagrins que la veille. Enfin, nous reçûmes 100 chevaux par jour, et tout fut terminé dans 9 jours. Je fus bien remercié de tous les officiers et du général, qui me fit remettre 30 francs pour les 10 chevaux réformés. Je fus avec mon maître remercier le général qui nous dit, « J'ai fait mon rapport du soin que vous avez mis dans le choix des chevaux pour les officiers et la réforme que vous avez faite. C'est ce qui a fait donner 30 francs de récompense à votre jeune homme. Je remercie, et nous allâmes finir nos affaires. Mon maître toucha 1 800 francs pour son voyage, et nous partîmes le lendemain pour Coulommiers. Mon maître me dit, « Nous avons mené notre affaire, grand train, et tout le monde est content. » Je lui dis, « Si jamais je suis soldat, je ferai mon possible pour être dans les hussards. Ils sont trop beaux. » Il ne faut pas penser à cela. Nous verrons plus tard. Ce sera mon affaire. Le métier de soldat n'est pas tout rose. Je vous en préviens. Je le crois. Aussi, je ne suis pas parti. Il faudrait que je fusse forcé de partir pour vous quitter. Eh bien, je suis content de votre réponse. Nous arrivâmes à la maison le samedi, et le dimanche fut une fête pour tout le monde. Monsieur ne tarissait pas sur mon compte. Je me remis à mes occupations habituelles. Mais un jour, je fus invité à passer à la mairie. Là, on me demande mes noms et prénoms. Ma profession, mon âge. Je me nomme Jean-Roch Coignet, né à Druilles-les-Belles-Fontaines, département de l'Yonne. Quel âge avez-vous ? Je suis né le 16 août 1776. Vous pouvez vous retirer. Que diable me veulent-ils ? Ça me mit Martel en tête. Je n'ai pourtant rien fait, me disais-je. Je dis cela de suite à mes maîtres, qui me disent « C'est pour vous enregistrer, pour la conscription. » Je vais donc être un soldat ? Pas encore, mais c'est une mesure qu'ils prennent. Si vous voulez, nous vous achèterons un homme. Je vous remercie, nous verrons cela plus tard. Je me trouvais accablé de cette nouvelle. J'aurais voulu être parti de suite, mais cela se prolongea jusqu'au mois d'août, et j'eus tout le temps de faire toutes mes réflexions. Ma tête travaillait nuit et jour. Je me voyais sur le point de quitter cette maison, où j'avais passé des jours si heureux, avec de si bons maîtres et de bons camarades. Je termine la première partie de mon ouvrage, pour ne pas faire trop de répétitions qui pourraient ennuyer. Je vais commencer mon état militaire, et j'ai fini la première partie de mes peines. Celles-là ne sont que des roses.